émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Ouais, ouais. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Black M. Spécial Black M, c'est vendredi et déjà la dernière de la semaine. Dernière de la semaine. On est à quelques jours, quelques heures de la sortie maintenant. Là, c'est plus que quelques heures. Voilà. Pression. Et on rappelle également que si vous précommandez l'album, chaque soir, vous avez un titre différent qui arrive. Ouais, chaque soir. Enfin, chaque jour même d'ailleurs. Chaque jour, un morceau différent. Par exemple, aujourd'hui, si on l'a précommandé, on a eu quel morceau alors, Black M? Alors aujourd'hui, c'est le morceau avec les membres, avec JRO Chrome et Big Ali et DRY. Voilà, c'est le morceau qui s'appelle À la vôtre. À la vôtre. Que vous avez pu avoir. Et n'hésitez pas à le précommander, même tout le week-end. Ou alors attendre la sortie physique dès lundi de cet album Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Yes. Tu le disais, une grosse soirée pour cette dernière. Grosse soirée. Je suis venu avec du monde. Il y a du monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. Il y a du monde. Il y a Loi Tibet. Mmh. Je suis venu avec Big Ali sur Tech. Hello Big Ali. What's up? How are you, Big Ali? Everything is good? Yeah. The Black M album is in stores. Everything is good. Voilà, lundi, in store. Monday, in stores. Yeah, Monday. It's Friday. It's Friday, yeah. Happy Friday, everybody. Donc, Big Ali est là. On le retrouve sur le morceau À la vôtre. Yes. Et je lundi, Chewy iTunes, c'est ça. Et je vois aussi donc JRO Chrome. Comment ça va? Ça va. Monsieur Doumam, c'est là aussi, l'insomniaque. Bonsoir tout le monde. En pleine forme? Yeah. En pleine forme. Je vois des frais de partout sur vous, les gars. Hey, écoute, c'est la vendetta, elle a commencé. Je vais dire un truc, gros. Si tu vois un V, gros, quelque part, dis-toi qu'il y a Doumam, c'est JRV qui sont passés dans le coin, cousin. Là, c'est la vendetta, c'est la guerre, cousin. D'ailleurs, donne-lui ça. Tu vois, mes yeux, ils sont rouges, gros. Je vois tout. J'ai un seum, poteau, gros. D'ailleurs, donne-lui son cadeau. D'ailleurs, attends. Red. Écoute, Red Fred. Regarde, Fred, on est venu avec un cadeau pour toi. Oh. Payola. Le pull à capuche, le fameux suite vendetta que tout le monde veut sur Twitter. Voilà, je le garde pour moi, celui-ci. Frais. Merci. Excuse-moi, mon bonnet, il est où mon. Ça va arriver, t'inquiète, nous c'est la famille, on se voit tous les jours. Merci pour ce beau cadeau. Donc le projet Vendetta qui va arriver à la courant de l'année 2014, hein, pareil. Voilà, exactement. Vous avez la date précise? On sait que c'est. Fin d'année. Fin d'année. Bon, vous bossez dessus en tout cas régulièrement. On bosse comme des ouf. On aura l'occasion d'en parler ce soir aussi. On n'a pas salué. Voilà, on n'a pas été galant. On n'a pas été galant du tout. Désolé, Lina. À chaque fois, en plus. Sur le tech. Comment? Chaque fois que tu viens, on n'est pas galant avec toi. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Ça va? Ça va, et toi? Un posto aussi, de temps en temps. Dis-leur, fermez-la. En anglais, tu vas dire shut up. Et voilà. Shut the fuck up. Non, c'est pas ton dialogue. C'est pas ton discours. Bon, ça va bien, Lina? Ouais, ça va, cool. En pleine forme, toi aussi, ça bosse sur le projet? Ouais, ça bosse, toujours. Courant de l'année 2014. Aussi. Tout le monde bosse dans le WTB. Mais il n'y a pas que. Il y a Linda, il y a Red Cross sur le tech aussi. Nos amis belges, Red Cross. Ils sont là, Red Cross. De Beng, j'ai vu l'amiral aussi. Est-ce que tu as vu l'amiral? L'amiral DR. Arou sur le tech aussi. Et je suis venu, j'ai ramené Stan aussi aujourd'hui. Stan. Il est là. Ah ouais. Et très bien. On entendra tout le monde. Et là, comme chaque soir, on débute avec le fameux Madame Pavoshko. Allons-y. C'est parti, coup d'envoi pour ce Planète Rap de Black M. Oh. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, so oui Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavoshko. C'est ça fait. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, man fire. Vous vous souvenez d'Ouam, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un poucar, wesh, d'où M9. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Les oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Ah, allez, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets, ouna qui kiké. Oui je sais, madame le rap a failli gâter ma vie. Aïe madame Babochko, non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits madame Babochko. Et vos gosses me kiffent madame Babochko. Oui, oui, oui, oui madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspi madame Babochko. C'est pour mes gars sous weed madame Babochko. Si vous voulez, on se tweet madame Babochko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur l'école. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même ticon, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même petit con qui s'imagine avoir la force de King Kong. Enfin bref. Aïe madame Babochko, non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits madame Babochko. Et vos gosses me kiffent madame Babochko. Oui, oui, oui, oui madame Babochko. J'ai toujours autant d'inspi madame Babochko. C'est pour mes gars, so oui madame Babochko. Si vous voulez, on se tweet madame Babochko. Solo, tête solo, j'me suis dit c'est le moment, mais le fire. Babochko que vous retrouverez sur l'album évidemment lundi dans les bacs. Voilà, Big Ali qui est là ce soir, Gyrochrome, Doom Mams, Linda Sherazade, l'amiral qu'on n'a pas salué, Derrick Greg Dry. Un petit salam, un petit coucou. Un petit coucou. Bonsoir tout le monde. À toi aussi, tu es équipé. Abou de Beng qui est là aussi, bien évidemment. De Beng, il est toujours là, bouge pas, jamais ça. Avec une nouvelle coupe, bien. T'as pas son peigne, il a son peigne. Le mec, il a son peigne avec lui. La famille, on est là pour le soutien normal, Wattibé. Tu connais le film Poetic Justice? Yeah, ouais, bien sûr. Ok, il y a le Miami de Tupac, il s'appelle Chicago. Toujours avec le Bruce. Il est battu. Chicago. Chicago de Bang. Voilà, il est avec nous, Chicago de Bang ce soir. Non, Dry, un petit mot quand même sur Black M. Chaque fois, je sais que tu as le mot juste. Bire ce que tu as à bire. Bire ce que tu as à bire. Ah, vous me prenez au dépourvu. Mais bon, en tout cas, vous savez très bien qui est Black M, les yeux, et qui est les yeux. Non, écoutez, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Mis à part que j'ai écouté quelques morceaux. À la vôtre, je sais notamment. Oui, à la vôtre. Ouf. Je sais qu'il a vraiment beaucoup bossé. Ça a commencé déjà depuis la fin de la tournée section. Il y avait pas mal d'idées. Et franchement, j'ai écouté ça à la fin. J'ai pas tout écouté, mais franchement, c'est très, très, très, très, très, très, très, excusez-moi, très, très, très, très, très, très lourd. Mais c'est vraiment diversifié, c'est vraiment ouvert, ça change vraiment, c'est vraiment son univers en tout cas. C'est vrai que ça lui ressemble, quoi. On l'a pas dit, mais les gens ont dû s'en rendre compte. C'est vrai qu'il y a plein de sons différents, il y a plein de thèmes différents sur l'album. Plein de thèmes différents, plein de sons. Tout est différent. J'ai franchement très éclectique. Et c'est fait exprès, je le voulais. Voilà, tout simplement. Tu l'as. Donc, je l'ai révélé. Il n'est pas prêt, mais il rappe. Prêt. Il rappe. Mais ça rappe. Bien sûr, ça rappe. Big Ali, il a dit ça. C'est pas prêt. Rap. He's a rapper. C'est ça. Spitfire. Tiens, Big Ali, comme tu m'as l'air en pleine forme. Toujours en pleine forme. Si tu nous introduisais, mais d'une manière absolument incroyable, le morceau qu'on va mettre maintenant. les gens, que les gens ont reçu aujourd'hui, s'ils ont précommandé l'album, ils l'ont déjà. Le gros morceau. Le morceau s'appelle À la vôtre. À la vôtre. Ah, it's for the clubs. You know what we do, man. Toutes les boîtes, tous les pays, toutes les villes. Every nightclub. C'est fire to the clubs, baby. Yeah. Wow, Chicago, De Bang, calme. Depuis que tu l'as dit, Chicago, De Bang, il est lâché. Bon, alors attention, introduction, on balance le morceau juste derrière. Big Ali, je te laisse faire, c'est parti. À la vôtre, c'est le morceau. iTunes right now, man. If you want to be the first one with it, man, go to iTunes right now. On à la vôtre. Black M, you know what it is, man. The general is in the building, man. Big Ali, New York City, man. All of my club is stayed up right now. Let's go! L'attitude pour être des nôtres. Et nous dans nos habitudes et tu s'en fous. À la bourre. On ne les voit même pas, on sort du lot. Ils n'ont pas l'attitude pour être des nôtres. Et nous dans nos habitudes et tu s'en fous. À la bourre. Postons Mathieu Zalem, puisque c'est ça qu'elle veut. Postons Mathieu Zalem, c'est Paris, pas Harlem. Postons Mathieu Zalem, vu qu'il fait mes alliés. Postons Mathieu Zalem, ton ennemi, on le malade. 3h du mat, poto, j'suis dans le club. J'entends rien, y'a trop de subs. Ramène-moi deux Mac dans ma matrice, champ. Et deux paquets clubs, ça fait 2 heures qu'on a quitté le bloc. Pas de baseball dans le camp. Blair, ambiance, Star Wars, laissez, je leur montrer ce qui bosse. Sur la piste, éclaté, fonce car, vendetta sur le tech, au niveau de la skate car. Watch it, baby, black, gros yeux, trop de swag. C'est la Champions League, des missiles à notre table. La mire à notre gauche, je vais sur notre droite. Et du nom, soir, c'est des rôles autotistes. La mère à notre gauche, régalé sur notre droite. Coupé de galets, mais faut régler ses ardoises. Hey, même avec tes gros bras, tu finiras bêtement fatigué. Tout ce que t'as physiquement ici, on te le masque avec un billet. Bande de mecs de ma table qui se sont tous déjà éparpillés. Si ta bouteille fait des étincelles, ça veut pas dire que t'es né pour briller. La tête, les yeux plus gros que le monde. On a les mêmes pas, on sort du dos. Ils n'ont pas l'attitude pour être des nôtres. This is serious, man. Serious. DJs, get it ready. Les autres, on ne les voit même pas, on sort du lot. Ils n'ont pas l'attitude pour être des nôtres. Et nous dans nos habitudes et du chanteur. À la peau autre. Postons Mathieu Zalem, puisque c'est ça qu'elle fait. Postons Mathieu Zalem, c'est Paris, pas Harlem. Postons Mathieu Zalem, les yeux plus gros que le monde, gros. Postons Mathieu Zalem, ton ennemi, on le malade. Oui, postons Mathieu Zalem, avant que les gouttes fassent teaser Zalem. Je relève à ma table aux appétits de baleine. Contour à la côte, même avec la coupe à Khaled. Caisse, ça cesse au vestiaire avant que les sauvages. La bouteille est bombée, tous les gamins posent sans la peur dans la forme. Et comme les gamins se posent, donc fais le doc, on veut l'unir pas. Non, okay. Le chef sur le deck comme Guevara. Okay. Il est dans le bidon, sauf comme les paras. Abana, abana, abana. Des fois tu montes sur la cota. Bonjour RMI, ton sang tape, on a les yeux plus gros que le monde. Chez toi les bouteilles, n'oublie pas, on valide pas. Tu sais que tu m'en vas plus loin que le monde. All that shit y'all talking, I ain't hearing nada. My team is full of Muslims who don't eat no hasa. Step up in the club, welcome into me casa. I'm in love, but I keep saying I'm fine. Slug on in these niggas. No love for these hoes. Racking up them digits. What? Deep down that dough like oh, Black M, El General. Why team be sold out? Methuselahs in the air. Go ahead and pull them. Postons Methuselahs, puisque c'est ça qu'elle fait. Turn up, nigga. Postons Methuselahs, c'est Paris, pas Harlem. Oui, postons Methuselahs, qui fait mes aliens. Postons Methuselahs, ton ennemi, on le malmène. Laisse-moi me poser. Le but, ça n'est pas de voir ma tête dans mon closet. Vu l'état du game, y'a de quoi te faire les gros yeux. Oui, je veux peser, mais pas comme Rosé. Fuck vos people, ce sont des losers. Et qui t'a dit que mon public n'a pas plus de 12 ans? Je suis en train de tout gagner, ça devient même pénible. Je fais kiffer ta couille, j'en ai rien à faire. Les autres, les autres, on ne les voit même pas, on sort des autres. Ils n'ont pas l'attitude pour être des nôtres. Vas-y, Black, get him black. Et nous, dans nos habitudes, et du sang. Get him black. La boue, les autres. Yeah! On ne les voit même pas, on sort du lot. In stores right now! Ils n'ont pas l'attitude pour être in stores right now! Et nous donnons le coup de pied. À la boue, turn up! Postons Mathieu Zalem, puisque c'est ça qu'elles aiment. Postons Mathieu Zalem. Matusalem. C'est Paris, pas Harlem. Boston, Matusalem, fait kiffer les aliens. Boston, Matusalem, ton ennemi, on le malmène. À la vente, Sky Rap, play the rap, Black M. Skew it down, baby. Yeah. Les yeux plus gros que le monde. Plus gros le monde. C'est ça. Le morceau qui s'appelle À la Vautour. On retrouve donc Big Ali qui est là avec nous ce soir. Monsieur Jérôme Chrome qui est là aussi. Moi j'ai juste un truc, à dire sur ce morceau. Franchement, quand je l'ai écrit, je me suis éclaté. C'est vrai. C'est, j'ai entendu la prod, il m'a envoyé la prod Black M, il m'a dit il faut que tu kicks dessus, tout ça. Mais tu mettes la claque. Même dédicace au boss, le boss. Claque, mais JR, tout le monde connaît le boss ici. Tu poses sur Matusalem. J'ai dit t'inquiète pas gros, je vais faire du sale, t'inquiète pas. Et bah la preuve. Franchement, au final le morceau il rend lourd. Franchement je suis content, tout le monde a kické, tout le monde a fait son boulot. Ouais moi c'est aussi. Un gros morceau, franchement. C'est pour les clubs. Et Dry, Dry qui est aussi avec nous. Fire, toujours Dry. Fire. Bien sûr c'est l'équipe. Abana, Abana. On a déjà été réunis sur pas mal de morceaux donc c'est toujours. Rappers, real rappers, rappers who really rap. Bon, et attention parce que non seulement il y a la sortie lundi, mais dès lundi tu te balades dans toute la France toi. Ouais, bon, ouais, je me balade dans toute la France. Enfin, ça commence avec la Wati Boutique. Ça commence évidemment. À la Wati Boutique le 31, ça commence lundi. Très, venez très nombreux, lundi, émeute, ouais, encore nombreux. Émeute. Émeute, ouais. J'enchaîne le 2 avril à Lille au Foot Corner. Le vendredi 4 avril, je serai à Montpellier au MHSC. Samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique, que je connais pas encore d'ailleurs. Le mercredi 9 avril à Toulouse au Météorite. Vendredi 11 avril à Lyon au People Wear. Le samedi 12 avril à Bordeaux au California Dream. Le mercredi 16 avril à Beauvais à Cacheville. Vendredi 18 à Rennes Project Store. Après on a quoi? On a vendredi 25 avril au Havre au Foot Corner. Et le samedi 3 mai à Béthune à Intersport. Eh bah terrible, donc pour retrouver Black M près de chez venez vous. Venez nombreux. Et l'album est déjà en précommande. Vous repartez donc d'ailleurs si vous précommandez, vous avez le morceau À la Vôtre pour ce week-end. Pour ce week-end, ouais, je dis ça, ouais. Je dis rien. Tu peux t'ambiancer. Turn up tout de suite. Dès ce week-end, danser du précommande, tu mets dans ta caisse et casse ton dos, gros. Pose ton Mathieu. Bon, il y a un autre morceau que vous aurez tout de suite si vous précommandez l'album. C'est un morceau qu'on a découvert lundi qui s'appelle Sur la Route. Sur ma route. Sur ma route, pardon. Sur ma route, ouais. Terrible ce morceau. J'adore. Et ben, juste avant de vous retrouver tous en live, parce qu'il y a un gros live de prévu ce soir pour conclure le Planète Rap. Juste avant, on se met Sur ma route, un petit peu de pub. Et on vous retrouve après, ça vous va? C'est parti. Allez, c'est parti sur ce qui est. 31 mars. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Spécial Black M. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Black M, notre invité. Il est là tous les soirs de la semaine. L'album sort lundi, à pas louper, sortie de l'album Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Yeah. Et vous l'entendez, il y a du bruit dans le studio puisqu'il y a un gros live qui se prépare. Ah, ça dans se prépare, un instant. Ils sont en train tous de choisir leur instru. Tout le monde est bien chaud pour cette dernière de Black M dans Planète Rap. Qui est poteau? Et bah, ça va arriver dans un instant. Juste avant, on a M, un gros de Rennes. Allô? Allô, allô, la famille vient, quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille, vous m'entendez bien? Et bah, on t'entend super bien. Ah, ok, c'est cool. T'es prêt à faire le freestyle par téléphone? Ouais, par téléphone, ouais. Eh ben, on t'écoute, c'est parti, session freestyle par téléphone, et après, il y a un gros live dans l'émission, c'est parti. Ok, ok. Ah, ah. Main gros, j'ai des mains de gorille. Tiens. Yeah. Ok, tiens. Yeah. Ok. Chaud comme un kelele, quand je peux me mêler. Je vais danser ta famille, t'inquiète, j'ai du flow à louer. On est trop loin, l'hypocrisie veulent nous freiner. Bouge de la ton, crâne, je vais le fêler. Je traîne avec des Jean-Louis et aussi des baisers. Pas question de nous rouler car tu peux finir très laid. Ma liste elle est longue, j'ai vu des gens inertes, pas de cinéma. Font parler, font de la pub, c'est des PD. Grand bobo. C'est ma gros qui kill, j'ai du lourd, j'ai des kilos de demande à Bobini, à mon toit. Mon bon culé, tu veux poser, mais t'es chimique à ton temps, mais t'es pas crédible comme une blanche. Et te chip, une sorte de head sans vie, tiens la vie comme un sado. Ma grosse fait vie dans sa bulle comme un soda. J'ai posé trop de rap, faut que je fasse le test du sida. Voir mes tests, faut être baisé, comme prier sans l'auto. Le système, c'est comme le chétan, ils ont la haine. C'est pas tard, veulent m'entraîner, à jouer comme un CN. Dans la vie, à part donner mon cul, tout est possible. Acharnement et travail, j'ai pris le cours impossible. Raconte pas trop ton. Je vais appeler sur la scolio, en promenade, les bouquins souffrent dans la mucoviscido. Les hommes qui se gueulent en champ public, ça me dégoûte sa mère. Comme un poteau qui se bat en courant, une fois que ça sent la merde. Yeah, ma grosse belle CC, une petite musique en famille, on est là en direct de Sky. Et ma gros de Rennes, à l'instant en freestyle, merci à toi, et ma gros. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Vas-y, balance tout, le dédicace. Ouais, sur ma gros Twitter, ma gros officiel sur Facebook. Ma gros. Et ma gros, c'est Riva, Instagram, un gros du game, Pinkel Music, à Flo, Alexandre. Venstie, toute la famille, on est là. Eh ben, merci à toi, passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planète Rap qui continue. Je vois que Black M est déjà debout. Moi, je suis prêt, moi. Toi, tu es prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Chrome, Dry, j'ai vu Maska qui vient d'arriver, qu'on peut saluer. Abou de Bang. Abou de Bang est Maska. Linda Sherazade est là aussi avec nous. Linda j'ai un gars avec moi là, il s'appelle YB Poto, tu vas l'envoyer, tu vas flipper. C'est vrai? Ouais, tu vois. On attend ça. Parce que là maintenant, c'est l'heure du live, gros live. Pour conclure ce Planète Rap, DJ Ice Q est au platine, c'est quand tu veux. Ça commence avec du Qatar. Yeah. Oh. Qatarique. Dites au Catarique. Dites au Catarique. Yeah. Ah. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais retourner l'endroit. Droit. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais vous faire marcher droit. Droit. Ramenez-moi vos émirs. Zémir. Je vais remplir tous vos zéniths. Zénith. Ramenez-moi vos émirs. Zémir. Yeah. Ok, dites au Qatari que l'Ouati B, il vient de Paris. Allez leur dire. Dites au Qatari que l'Ouati B, il vient de Paris. Wesh Nasser. Que Big Black M, il vient de Paris. Ah, ah, ah, ah. Qatari qui vaut plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais retourner l'endroit. Roi. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais vous faire marcher droit. Droit. Ramenez-moi vos émirs. Zénith. Je vais remplir tous vos zéniths. Zénith. Ramenez-moi vos émirs. Dites-leur qu'il commence par la 9ème zone. Là où l'homme tu ne peux pas le raisonner. Kick depuis l'époque dans la zombie. Pas le genre à très rang à la zombie. Marche, casquette à l'envers. Y'a pas eu que des clips dans le soir d'envers. Paris, Denja, la goutte d'or qui fait déborder le vaso. Écoute-moi, trop de clichés. La même merde jusqu'à place de clichés. Méga figé, obligé de kicker. Montrer que je peux les monter en l'air. Wesh, riquet, crimé, cambré. Dites-leur pas de mec cambré. Paris, Denja, Dawala, dis-leur qui finiront démembrés. Dites au Qatar que l'Ouati B il vient de Paris. Allez leur dire. Au Qatari que l'Ouati B il vient de Paris. Wesh Nasser. Au Qatari que Big Black M il vient de Paris. Ah, ah, ah, ah. Qui vaut plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais retourner l'endroit. Roi. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais vous faire marcher droit. Roi. Ramenez-moi vos émirs. Zémir. Je vais remplir tous vos zéniths. Zémir. Ramenez-moi vos émirs. Dites-leur qu'ils enchaînent Danube, Gaston Pino. Dis-moi d'où vient ton pilon. Même d'où viennent ces mixtapes qu'à l'époque on appelait pur son ghetto. Là où il y avait les César Guelphard et mes gravons du 9-4. Nous, gros bras, et en face il n'y avait que des petites frappes. Bref, ferme-la quand j'opère. Kick sale pour les mecs de la grange au père. Quand je rappe ton MCI panique grave. Sur le pochon de S de la place Stalingrad. T'as dû me voir Zepo dans le 17 avec toute une équipe de Z. Ou bien en train de marcher vers eux en quête de niquer tout le rap vieux. Oh. Dites au Qatari que l'Ouati B il vient de Paris. Allez leur dire. Dites au Qatari que l'Ouati B il vient de Paris. Wesh Nasser. Dites au Qatari que Big Black M il vient de Paris. Ah ah ah ah. Il vaut plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais retourner l'endroit. Roi. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais vous faire marcher droit. Roi. Ramenez-moi vos émirs. Zénith. Je vais remplir tous vos zéniths. Zénith. Ramenez-moi vos émirs. Yeah. Ok ok. 9-1, 9-2, 9-3. 9-4, 9-5, 7-7-7-8. Tout le monde dit black. Madinina, Guadalajara aussi. Tout le monde dit black. Tunisie, Maroc, Algérie, j'ai dit. Tout le monde dit black. Pas le temps de dédicacer tout le monde. Et j'attends pas que le monde vienne me dédicacer. J'ai pas le temps de clasher avec vous les mecs. Laissez-moi juste passer. J'ai la dalle d'un mec de chez moi. Parfois je suis complètement ingérable. Je suis en studio et rien que l'ingérable. Big black et A de doigts tout casser. Ah, dites aux Qatari que l'Ouati B ils viennent Paris. Allez leur dire. Dites aux Qatari que l'Ouati B ils viennent Paris. Ouais, je n'en sais. Il vient de Paris. Ah, ah, ah, ah. Paris qui vaut plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais retourner l'endroit. Roi. Ramenez-moi vos rois. Roi. Je vais vous faire marcher droit. Roi. Ramenez-moi vos émirs. Zénith. Je vais remplir tous vos zéniths. Zénith. Ramenez-moi vos émirs. Zénith. Je vais remplir tous vos zéniths. Ah. Yeah. Big Black M, les yeux plus gros que le monde. 31 mars dans les bagues. Yeah. Est-ce que tout le monde est chaud dans les studios? Yeah. Ok ok DJ HQ. Les yeux plus gros que le monde. Le 31 mars dans le motherfucking back. Le gros freestyle se prépare. Black Taille dans la place. Masca est dans, les, dans la place. Red Cross est dans la place. Black Jamie. YB. Ok ok ok ok ok ok. DJ HQ. Allez, on continue pour le live maintenant, c'est sur freestyle. On se prépare. Oh, oh, oh, oh. Y'a du monde dans le studio, le Wa est là. Yeah. Bugatti Remix. T'es mal, boy. L'album il sort le 31 mars. Ouais, gros. On t'a dit qu'on n'endort pas la night. Donne-nous nos disques d'or et point. Les yeux plus gros que le monde dans les bacs. L'album il sort le 31 mars. Ouah. Les yeux plus gros que le monde dans les bacs. Ouah. L'album il sort le 31 mars. Ouah. Les yeux plus gros. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, ok, ok, ok. Laisse-moi. poser. Le but ce n'est pas de voir ma tête dans Closer. Vu l'état du game, y'a de quoi te faire les gros yeux. Oui, je veux poser, mais pas comme Rosé. Fuck vos people, ce sont des losers. Qui t'a dit que mon public n'a pas plus de 12 ans, hein? Je suis en train de tout Kenny, ça devient même pénible. Fais kiffer ta go et je n'ai rien à R. Kelly. Aïe, aïe, oh. B.I.Y. Ok. Je sais que tu veux me bloquer, que je disparaisse du circuit, car moi je ne suis pas cette pute à ploter. Non, yeah. Grosser, l'amiral dit l'animal, elle ouais, fait croquer. Moi je manie ma écoute, t'es décroché. Ma vie, mon éthique m'aide à grosser, grossier. Sont les persos, mais fort, moi j'attends que la terre saute. Vu que l'humanité a délaissé son berceau, et que la lucidité chez nous on la perd tôt. Bélis, je sais que tu veux nous baiser, qu'on pénis. Je sais que tu veux nous briser, mais ton bélier, ça sent la douille dans les rues, ça sent le pénis. Pour le rallye, on dévalise. Pour le rallye, on dévalise. Eux qui subissent des contrôles, même en VU, ils débrisent leurs rêves, va rendre leur vie invalide. Oh, pas de manif, car les calibres. Non, crie fort, instaure ainsi le respect. On partira pas les mains vite, car comme ils disent, on a la gueule du suspect. Un Congolais. Keblo, un Congolais. C'est impossible vu que les oreilles j'ai comblé. Et que le roi a fait de moi un MC complet. Chamboulé, j'ai des pays qui a malé, a vu le sang couler. Quand j'écoute vos dirigeants, je me dis ces enculés. Ils ont continué leur bise et tout ça circulé. Bloqué et maudit comme le continent africain. Mais l'amiral est déter comme un Pékin. Pékin, fils de si tu veux me voir dans le pétrin. Les yeux plus gros que le monde, gros. 31, Mars dans les bras, gros. D.A.Y. toujours fidèle au poste. Ok, la vendetta. Yeah. Oh. C'est tard le soir. V12. C'est tard le soir. Yeah. Yeah. C'est tard le soir qu'on prépare la vendetta. Oh. Hein. Écoute, okay. Jérôme, qui commence ça? Yeah. J'avais perdu confiance en moi, je me laissais crever, t'imagines pas. Le combat que j'ai dû mêler pour me sortir un scud sale. J'aime bien débarquer bourré, bien entouré, soit les petites sales. Ouais. Pas les big up autour et pour tous nos confrères d'Afrique noire. Ibis a mis du poison dans nos verres pour ça que les gens se fâchent. Je vais faire gratter du sale, remplir les pages, la mif en temps de flash. Mon trio d'un aigle est plutôt lourd que les ghettos youth flash. Ça doit manquer de poivre dans ton j'ai pour promettre autant. Tous ces dents sur la misère quand t'as grandi sur un clic-clac. Ça me servait d'un comique comme pour un pro, ça pour show you le face. T'as tes dents comme à l'époque, t'es cassé des rues. Pour les intimes, j'aimerais de vous dire, mesdames, messieurs, que les meilleurs personnages sont masqués. Mon homme du Watibé sur l'inté qui dépoule le casque. C'est un détail, c'est ghetto comme les bâtiments, t'es bosqué. Toi, ça te regarde les casques, qu'il est là, te casqué. C'est tard le soir qu'on prépare la vendetta. Vendetta, ceux qui disent qu'on est déjà mort avant le départ. Avant le départ, les masques qui se trouvent derrière ton dos avant le départ. Avant le départ, 2-0-1-4, on a mis les plans, faire les plans en l'air. Oui, fais du boucan pour le pilon. Ça fait déjà des années qu'on les pilonne pas en l'air. Tu connais déjà les prisons, n'importe. Passager, tu sais qui c'est les pilotes. Parlons peu, parlons bien, ramène la bande colombienne. Et si le message ne passe pas, on mettra les colombiens. Cela tout que l'on vient, le but est de doubler notre gain. La trop est indien, mais qu'à te niqueront bien. En attendant le fils and love, c'est fist and god V. Tu vas courir comme Usain Bolt. Et traite fondé sur rire plus expressif que ma pute boy. Le trèfle à quatre feuilles se fane un jour. Les sont stick, mais certains sont techniques. S'il te plaît, explique lui classique. Mais suffit d'une belle bite pour qu'on te la suffit. Ethnie, c'est la même rythme, but tout petit. Cherche même plus le coup, pas c'est l'état qui nique. Qui disparaît tout comme un flanc geek. Qui disparaît tant que les gros kiffs. Tu fais la veuve quand la vérité crève les yeux. Vendetta, je crois sûrement l'effet d'un coup de bâton. Le soir, qu'on prépare la vendetta. Vendetta, ceux qui disent qu'on est déjà mort avant le départ. Avant le départ, moi qui se trouve derrière ton dos avant le départ. Départ, 2-0-1-4, on a mis les plans, faire les plans en l'air. Fais du boucan pour le bilan. Ça fait déjà des années qu'on les pilonne. Tu sais qui c'est les pilons. J'ai rien à foutre de ce que tu dis, laisse-moi me foutre dans ma série. Crois-moi bien plus intéressant que tes putains de story. Sur les corrigs, vendetta, se rétorique. Sorry, mais je traîne le schlasse qui vient me faire un sourire. Me voir à terre, ce goutte que coûte, t'écoute, t'écoute. C'est mieux avant que la foule m'écoute. Vous soutenez tous bien. Ferme ta bouche et goûte, m'écoute. Nocif comme le tout petit crack que vit. N'est tous les mecs qui pensent et qui donnent et qui bloquent à peine à pénible. Mais qui vont obéir le plus petit sur cette vie physique limitée. Puissant, j'ai grandi, j'ai plus 25 ans. La couronne pour un laps de temps. Section numéro 1 dans les bacs à deuil au top 50. J'ai galéré de mon vivant. J'ai pu dormir sur des bancs. Envoûté par la stripper sans de viande. J'ai fait le régime du camp député, j'ai choisi mon camp. Welcome to the Watibé clan. C'est malheureux, loin sa guigui. Faut qu'il fait des. C'est tard le soir qu'on prépare la vendetta. Vendetta. Ceux qui disent qu'on est déjà mort avant le départ. Avant le départ. Moi qui se trouve derrière ton dos avant le départ. Qui est départ. 2-0-1-4, on a mis les bras, faire les bras en l'air. Ouais, gros. Fais du boucan pour le pilon. Ça fait déjà des années qu'on les pilon. Qui c'est qui enchaîne? De Beng, mon ami. Abou de Beng, toujours. Abou de Beng. IST, l'Institut. Ça fait. sur le terrain, ils veulent camper mais n'iront nulle part. En cage avec mes poteaux du ballon, je visais la lucarne. Viens pas sur mon terrain si t'es pas cramponné. À la mi-temps, les majorettes viendront te pomponner. Tu respires la violence avec un pomponné. Tu veux éviter les règles mais on va tamponner. Dans la hurle, on vend plus de la drogue douce quand les temps sont durs. T'as bradé notre amitié pour ta vocation. Parole d'homme, tu vas payer si j'en ai l'occasion. T'essaies de me heurter depuis, c'est sur ma fierté. Nouveau trou dans la fesse si t'as merdé. Et bien évidemment, tu t'y dessus quand je pose ma voix sur n'importe quel instru. Je crée des fissures, vous n'êtes bon qu'à radoter. Ou qu'à rapporter que le Watibé a tout baisé, vos projets ont juste capoté. Qui veut se comparer ici, c'est Paris. Je suis sur un coup de taré que peu vont parer. A vos marques, préfère rapper. Courez pas derrière la boîte, ça peut très vite déraper. J'arpente les rues de Paris petit, si t'as besoin d'aspi, à ma semelle, mes rimes, je les trouve avec la merde, les gueules que j'ai tracé toute la semaine. Quand j'avais rien, c'était critique. J'avais faim, maintenant j'ai soif, je veux du liquide. Paris by night à la recherche des acheteurs. C'est pas pour trouver l'âme sœur qu'on met nos pieds en after. Je passe en débat différé si j'ai pas d'alibi. Quand je vais en Belgique, je me dirige pas vers Walibi. C'est délicieux. À vous de bang. Yeah. La suite, Red Cross. Red Cross. Oh no. Red Cross, ils sont chauds. Ouais. Ok. Excel. Ça fait bang dans ta tête, c'est red. Appelle un médecin. Bang dans ta tête, c'est red. Appelle un médecin. Bang dans ta tête, c'est red. Appelle un médecin. Pression les joues, c'est tout ce que j'ai reçu comme coup de main. Rappelle-toi quand personne voulait me parler. Je me disais taf à l'école, ferme la t'es. Je disais je veux faire l'Asie, qu'on me disait pas rêver. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire enfoiré à Paris? Mais bang dans ta tête, c'est red. Appelle un médecin. M'appelle pas mon frère, je suis à nourrir au même sein. Soir tes potos cotisent, vu tes potos tisent. Plus de vie qu'une locomotive. Pourtant, je peux rap pas sans motif. J'accélère mon écran, c'est trop tard pour freiner. Pas dans le délire, sadomaso. Désolé, ta meuf, que tu traînais. Que les pailles soient claires, claires. J'rappe pas pour sauver la planète. Tu poses apparence, y'a pas du coca dans ma galère. Y'a ce n'est pas ça, basta, farce, milliard, ça marche. Faut mettre un bras à tasse, à moins que tu me fasses la place. J'éclate ta race jusqu'à ma dernière phase. On se croisera à l'occasion, on dit pas que j'ai chopé la base. Mon tape, tu trouves ça. Je porte plus d'or qu'un instinct. Faut que tu comprennes dorénavant. C'est casse des barres en attendant. Joker arrive pour ton unité. Dans le royal, que de la qualité. Welcome to the wild, wild, wild. Il est temps qu'on tire la chasse. J'ai des pits by day, mais pas encore de pits pour du pari. Je suis tellement frais qu'il fait moins 15 degrés. Ouais, welcome à Red Cross. Qui peut nous tester? Personne. Demande à Weston. Un fal de balle comme Nicky Larson. Aston. Je roule en Clio, pourquoi tu klaxonnes? J'avance, toi tu recules en mille loin comme Michael Jackson. Sur un coup de fil, ici les mains qui défilent. Fil à fond de faire la file. Les rappeurs sont dans un film. Je suis pas du rap mais des skills. Pour ta team, j'ai pas des skills. La valeur de Red Cross est estimée à plusieurs milliers d'euros. Laissez parler de nous. Y'a que quand je fais mes prières que tu peux me voir à genoux. Jay-Z. J'en balaye le coup de ton bazar. Crois pas au hasard, on va foutre le bazar. Un peu comme Eden Hazard. Faut que tu comprennes dorénavant. Des cases départ en attendant. Joker arrive pour tout niquer. Dans le voyage que de la qualité. Welcome to the war. Welcome to the war, war, war, war. Welcome to the war. Welcome to the war. Je peux débiter, peut t'écraser. Mais tu n'es pas dans ma ligne de mire. Dans la barre c'est le bar. Contre Vélan, mais t'inquiète pas. Petit que le pire arrive. J'explique, observez, ferme-la. Ou vas-y vive ta vie. Moi qui t'a dit, le frère qui a dit. T'étais pas là pendant que je salivais. Aujourd'hui tu veux t'allier. Rêve si tu veux que j'arrive. Même si tu connais le tarif. J'attends de signer depuis des années. Faut pas mon cas, j'ai payé galé. Celui qui touche jamais n'a pas. Je le découpe avec un katana. Ça dépend pas que du talent pour percer. Des gars qui ne veulent pas investir mais qui déclarent quand je les invite cliquer. Ça je m'en bats. Si je t'emballe, je t'emballe. Et tu veux pas écouter mon mental. Je m'emballe, je m'emballe. Ça c'est pour lui te faire casser. Westland. Rien à foutre si tu valides pas. Ferme la tout en bas si t'as pété d'insister. T'auras pas de fuite avec rien d'arrêt d'insister. Je vais tout péter, je vais les buter. Ils m'ont niqué, j'ai un sol de attention, là on a le petit BY. Fred, je t'avais dit, fais attention tout à l'heure. Regarde bien, écoute bien. Écoute bien le petit peu. BY. Motherfucker. Yeah. Ok, waouh, vous me connaissez, je pèse lourd comme un éléphant. Tintinement arrêté, c'est comme vouloir arrêter le vent. Ils empruntent mes pêches, l'anime d'offre de grosses dettes. Grosses dettes, à ce qui paraît, j'ai pris la grosse tête. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas qu'un seul flow dans mon cus. Mon équipe est large, ton équipe est que je rappe même un capella et when niggas. Remue-toi les ménages dans tes amis, fais le ménage. T'as tes tons, je suis un manège. Je serai une meuf, je serai l'équipe minage. J'ai des pollutions meurtrières, j'ai poignardé le son. T'es à l'école de la rue, ferme ta gueule, première des leçons. Premier couplet, j'ai fait ça tranquille. C'est ma vie d'artiste, serait un jeu de tir. J'aurais fait trop de gear. Recross, I'm a boss, recross, Mick Mill. Tu fais le show face au micro, mais dès comme toi, j'en Mick Mill. Je veux décrocher la lune, je veux la thune du FMI. Pas pour flamber sur le champ, mais pour mettre bien la famille. Si rap, j'aurai du karaté, j'aurai des bases de premier dan. Premier sans médaille, vous êtes les bonnes dan. Quand je dis vous, je parle des gars qui parlent de gâchette. Tu rap que t'es dealer, battant t'as faire, dis-nous ta cachette. Wesh, on m'a appris à être discret. Pour écrire ma vie sur un tableau, faut plus que discret. Je connais la galère, serre la ceinture toutes les fins de moi. C'est pour ça que pour ces pères, je mets des frappes et pas des feintes, moi. Face au micro, je me dépense. Je m'en bats les reins de ce que tu penses. J'ai petit frère et soeur, fuck la belle-mère et le beau-père. Je m'endors pas d'heure, j'ai du violet sous les paupières. 31 mars dans les bacs. Yeah, BY. Tu brûles. West. Yeah. Toutes les meufs servent à rien, donc je vais tenter de décoller sans elle. Quand j'avançais sans aide, même si c'est sur un vélo sans selle. On vit dans un putain de monde où les bonnes choses ont l'arrière-goût amer. Aujourd'hui, grâce à ma mère, je laisse personne me marcher que tu comme la mer. Même s'il faudrait que tu décides avec la concurrence ou nos petits cons. T'as déjà vu un joueur de foot qui jouait dans les deux camps? Voir la fin du Watibé, c'est ce que tous les envieux espèrent. Mais est-ce que t'auras la patience d'attendre qu'une brique devienne poussière? Apparemment, on vit comme on a vécu. Mais moi, j'ai vu des gosses de riz qui me papier de cul. Moi, ma vie, c'est pas des matchs, calcule pas les gens qui comptent sur moi. Mais tout ça m'a forgé, aujourd'hui je suis dur comme les fers du mois. Yeah, toutes les femmes sont infidèles, raides. Donc Paris est une aveugle, si tu veux pas qu'elle part voir ailleurs. Le rêve de tous mes ennemis serait que je tombe dans une tombe, tabou m'étouffer. Je vais quand même tout péter, je suis comme une bombe. Yeah, lourd. Moi j'ai envie d'entendre Linda un peu. DJ HQ. Mon sauce. De douceur dans ce monde de brut. Un peu de douceur, Kay. Mets-moi du Linda, pote. Chacun son choix. Chacun son choix. Yeah. Chacun son choix. Chacun son choix. Les yeux plus grands que le monde. C'est ça. Yeah. C'est trompé. On remet, on repart. Tu coupes. Il y a quelqu'un qui a merdé après moi. C'est pas grave, on reprend. C'est comment ce qui se passe? Chacun son choix. Yeah. Linda. Chacun son choix. Montre-leur, Linda. Dis-leur. Je suis cette fée qui rêve d'amour. Et moi, je veux connaître avec toi de beaux jours. De beaux jours. Oh, yeah. Oh, 31 mars dans les bacs, Linda. En live, à l'instant, gros live, grosse session live avec Linda Sherazade pour conclure ce freestyle. Exactement. Et bon, on va saluer tous ceux qui sont passés. Il y avait Dry, il y avait l'équipe de la Vendetta avec Giro Chrome et Zomams qui était là au micro. Ouais. Red Cross qui sortiront donc le projet, si j'ai bien compris. Red Cross, c'est cet été, ils sont où Red Cross? C'est courant 2014. C'est pendant l'été. Et puis également, alors, ce petit génie, qui est avec nous. T'as quel âge? 19. Tiens, 19 piges, vas-y. Ouais. Enchanté. Eh bah, bienvenue, tu viens d'où, toi? Moi, je suis d'Orléans. Grenoble, à la base. Ouais. Grenoble, Orléans. Voilà. Tu voyages. Je suis là. Et on peut te suivre quelque part sur le net, on peut avoir des vidéos, du son. Ouais, BY officiel. Et voilà, allez voir le freestyle, là, il vient de sortir, Demolition. Shaolin, il s'appelle. Voilà. Très très lourd le freestyle. Et bah, merci d'être passé ce soir dans le Planète Rap de Black M. Merci. Black M, merci beaucoup pour cette semaine. Merci à toi. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Yes. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Vanessa, Boissy Saint-Léger, comment ça va Vanessa? Ça va. En pleine forme, tu es prête à faire tourner? Oui. Et bah, on y va, on fait tourner rapidement la roulette. Et tu me dis stop quand tu veux. C'est parti. Ok. Vanessa. Ah, il y a du coffre, ça rigole pas Vanessa, waouh. Et bah tu vas pouvoir te déchaîner au ciné, voir Captain America avec 4 personnes, c'est 5 invités en tout, c'est ce qu'on t'envoie. Rapidement. Ok. Je te fais un bisou Vanessa. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Je fais une petite dédicace à mes petits neveux, Dylan et Florian, que je t'aime, et voilà. Et bah bisous Vanessa, passe une belle soirée, un bon week-end. Merci vraiment Black M et vraiment. Bah, merci à toi, hein. merci, là c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. C'est lundi dans les bacs cet album. Grosse fierté cet album. C'est le premier album solo et on va le défendre jusqu'au bout. Merci Fred, merci à tous les auditeurs. On l'a pas d'histoire, mais il y a la réalité augmentée aussi autour de cet album. Ouais, la réalité augmentée toujours. Téléchargez l'application Watibé Réalité Augmentée. Yes, qui est une application gratos et vous avez un petit bonus, un petit cadeau. Un petit cadeau, je vais pas en parler, le cadeau c'est à l'intérieur. C'est surprise. C'est la surprise. Et je pense qu'on a tout dit. Rendez-vous le 31 mars dans les bacs. Merci à tous. Toujours en précommande ce week-end. Des morceaux comme à la vôtre, par exemple, qu'on a entendu aujourd'hui. Allez-y. Dès que tu précommandes, et le morceau il vient directement sur ton iTunes. Et puis toi, dès lundi, 31 mars, t'es à la Wati Boutique. Je serai à la Wati Boutique, ouais. Dès lundi, on a plein de villes à faire. J'ai le temps de les. Vas-y. Ok, bah je serai le mercredi 2 avril à Lille au Food Corner, vendredi 4 avril à Montpellier, le samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique, le 9 avril à Toulouse au Météorite, le 11 avril à Lyon au People Wear, le 12 avril à Bordeaux au California Dream, le 16 avril à Beauvais à Cacheville, le vendredi 18 à Rennes au Project Store, le vendredi 25 avril au Havre au Food Corner et le samedi 3 mai à Béthune Intersport. Venez nombreux. Merci à toi et à tous ceux qui sont passés. Merci monsieur Abou Debain qui était là. Franchement, salut l'institut, toute l'équipe. On salue tout le monde et moi franchement la seule chose que je tiens à dire c'est allez pécho l'album, là vous pouvez encore le précommander. Lundi, rendez-vous à la Wati Boutique. Venez nombreux à la Wati Boutique. Est lourd. Le jeune homme qui se nomme Black Mesrin, c'est vraiment, vraiment, vraiment donné. Moi, j'ai assisté à son projet, franchement, du début à la fin. Le résultat est lourd, les yeux le plus gros que le monde le 31 mars dans les bacs. C'est vrai que c'est diversifié, il y a plein de sons, il y a plein de thèmes qui sont abordés, il y a plein de choses dessus. Merci vraiment Black M et bonne chance. Merci à toi Fred, merci Skyrock. Pour ce solo, les yeux plus gros que le monde, merci lundi beaucoup. Dans les bacs à pas louper. 31 mars à ne pas louper. Et on sera là. Retrouver D-Fool maintenant, c'est parti pour la Radio Libre. Eh oui, oui. Ouais. Black M, Fredo, semaine prochaine c'est Rof que vous retrouvez dans Planète Rap. Rof à partir de lundi, juste avant 20h, ça démarre. Et Fredo le retour tout à l'heure, juste après minuit. Avec nous jusqu'à minuit, c'est parti Radio Libre, on est là, allez c'est parti Cédric, vas-y balance le sound. Allez on y va. Quelle est la